Nous assistons alors, dans ce modeste appartement de la baronne, à un dîner de famille auquel manque le baron. Bête, venu de la rue Vanneau, observe les physionomies, de même qu'une araignée au centre de sa toile. Chaque membre de la famille est en proie à des soucis d'argent. Les enfants ont cessé d'admirer leur père. Cependant, un soir, le baron Montes de Monterranos arrive à l'improviste chez Valérie. Ce Brésilien est un ancien amant de Valérie qui éveille la jalousie de Crevel et de Hulot. Valérie parvient difficilement à les rassurer et à se faire pardonner par son ancien amant sa situation de femme entretenue. Sur l'ordre de Valérie, qui veut se débarrasser de Hulot pendant un moment, Crevel apprend à Hulot qu'elle le trompe et l'amène dans l'appartement qu'il a fait arranger pour elle. Les deux vieillards se disputent, puis finissent par se réconcilier en se mettant d'accord sur la perversion de Valérie. Pourtant, le lendemain, ils essaient de la reconquérir, chacun de son côté. Ils y parviennent, car Valérie a besoin d'eux financièrement. Mais Valérie, poussée par Bette, veut encore ajouter Venceslas à la liste de ses admirateurs. Bette va dans cette intention rue Saint-Dominique. Le ménage est dans la gêne. Hortense doit l'avouer à Bette, en versant quelques larmes que Bette l'appât du regard comme une chatte boit du lait. En effet, Venceslas n'a rien produit en 3 ans. D'un caractère faible et paresseux, il avait besoin de la contrainte exercée sur lui par Bette. Marié, heureux, provisoirement riche, il n'a pas su fournir l'énorme travail exigé par la création artistique.